Chapitre 37e. Par où est passé le rat? Dans la soirée, Paulin Broquet et son lieutenant Gabriel, portant l'uniforme des gardiens de la banque, pénétrèrent dans l'immense monument de la Banque de France. Le personnel habituel, étant en rapport avec le public, était parti. Il ne restait plus que le personnel de surveillance et qui prenait son heure de veille. Paulin Broquet et Gabriel se débarrassèrent alors de leur uniforme de la banque et furent conduits au caveau par un secrétaire du directeur qui devait les accompagner partout où ils auraient à aller au cours de leur enquête pour leur en faciliter les moyens. On les donna comme architectes chargés de vérifier les câbles où des infiltrations s'étaient produites. Personne, en effet, en dehors des gens qui se trouvaient dans le caveau au moment de la constatation du vol, n'en avait eu connaissance, le directeur ayant demandé le secret à tout le monde. Paulin Broquet et Gabriel revinrent donc dans le caveau. « Il est certain, dit le détective, que la nouvelle de l'inspection opérée ce matin sera sous peu connue du gentleman voleur qui nous a honorés de sa visite. Espérons qu'il ignorera que nous avons découvert son exploit et qu'il en tentera un nouveau, certain de réussir comme la première fois. Cette fois, nous lui réservons une petite surprise de notre façon. » Paulin Broquet demanda au secrétaire du directeur de lui fournir quelques renseignements sur la canalisation d'eau et le fonctionnement des sables. Très complaisamment, le fonctionnaire les lui fournit. « En résumé, dit le détective, vous pourriez, en faisant jouer le bouton d'appel qui correspond à ce caveau, l'inonder en quelques minutes ou le remplir de sable en une demi-heure. Parfaitement. Merci, c'est tout ce qu'il me faut. Que pensez-vous faire? Noyer le voleur? L'ensevelir? Jusqu'ici, monsieur, j'ai à rechercher un trou de rat et à traiter en rat celui qui passe par ce trou. » Paulin Broquet, secondé de Gabriel, se dirigea vers un des murs du caveau qui, déjà lors de sa première visite, ce matin, l'avait fort intrigué et devant lequel il avait longuement consulté sa boussole. Avec Gabriel, l'éclairant d'une forte lampe électrique, il se mit à étudier le sol où les parois du mur finissaient ce caveau. Puis il se gratta le menton d'un air mécontent et passa à l'inspection du reste du sol et des autres murs. Chaque caveau ferma les caves immenses et séparées des caveaux voisins par d'épaisses portes. Paulin Broquet voulut s'assurer de la bonne fermeture des deux portes qui donnaient sur le caveau. Il vit qu'elles touchaient bien le sol et que, par le faible espace qu'elles laissaient pour le jeu, un rat, même une souris, ne pouvait passer. Après avoir, à coups de marteau, sondé les murs, cherché le son creux qui lui révélait le souterrain, ne trouvant rien, il se décida à user du stratagème de son invention pour arriver à ses fins. Par une série de fils électriques, il rattacha les caisses avec un tableau d'appel qui se trouvait chez le gardien-chef. L'appel devait fonctionner dès qu'on toucherait non seulement aux portes mais aussi aux caisses. Ainsi, dit-il, à la première alarme donnée par cette installation électrique, le gardien-chef enverra les jets de sable. Les voleurs seront non seulement douchés, mais probablement étouffés, enlisés. Cependant, comme il se doutait que les gens qui avaient trouvé le moyen de pénétrer jusqu'ici sans éveiller l'attention de personne, et par un chemin que lui-même ne parvenait pas à découvrir, seraient probablement assez habiles pour surprendre l'installation des fils d'appel, la découvrir et la couper, Paulin Broquet, ne comptant donc qu'à demi sur cette garde, voulait leur arracher malgré eux la raison de leur entreprise. Il voulait également savoir par où passait le rat, supposant, non sans logique, que le rat employait le couloir ou le souterrain servant au voleur. Paulin Broquet, alors, répandit soigneusement à terre le plâtre contenu dans les deux sacs. Il couvrit le sol d'une couche de blanc comme s'il avait neigé. Puis, il se retira du caveau et laissa le secrétaire de la direction fermer la dernière porte. Le lendemain, Paulin Broquet revint. Le plâtre ne portait aucune trace. Les caisses n'avaient pas été touchées. Personne, même pas le rat, n'était entré dans le caveau. « Je crois, dit Paulin Broquet à ses lieutenants, que les voleurs, pour pouvoir continuer à puiser dans les caisses en toute sécurité, ne doivent s'attaquer qu'à des caisses déjà vérifiées et estampillées, qui, par conséquent, ne courent pas les risques d'être sous peu ouvertes. Leurs vols demeurant toujours inconnus, ils pourront de la sorte puiser indéfiniment. C'est certain, chef. Ils sont trop malins pour s'attaquer à une caisse quelconque qui ferait découvrir tout de suite leur coup et provoquerait des mesures exceptionnelles de protection. » Peut-être aussi attendent-ils de savoir si leur coup, qui est, espérons-le, le premier, n'a pas été découvert lors de l'inspection récente. Peut-être, en effet. Donc il faut leur donner à entendre. Comment cela, chef ? Bien simplement, la presse va le leur faire savoir. » Le lendemain, en effet, à l'instigation du détective, une note paraissait dans les journaux annonçant la visite officielle des caps de la Banque de France, l'inspection et assurant au public que tout était en parfait état. Le soir, Paulin Broquet était dans la cave à l'affût, mais personne ne parut. La nuit suivante se passa de même sans voleur. « Il attend son heure, » dit Paulin Broquet. Comme, évidemment, il ne pouvait consacrer tout son temps à cette tâche, ni vivre définitivement dans cette cave, Paulin Broquet avait posté quelques hommes dans les environs de la banque. Ces hommes, sous la conduite de la morse, devaient surveiller les maisons voisines où pouvait aboutir le souterrain dont se servaient les voleurs. Il reste encore, en effet, beaucoup de caves voûtées, admirables de solidité, qui datent de plusieurs siècles, sous les immeubles modernes de ce quartier. Rien de très surprenant, par conséquent, que les bandits en aient trouvé une communiquant avec les caves de la banque. Paulin Broquet, lors de sa première descente dans le caveau, avait, nous l'avons dit, relevé sa situation au moyen de la boussole. Dans son bureau, il avait tracé au crayon le rectangle dans lequel se trouvaient les immeubles dont la boussole lui donnait la situation. Il était à plusieurs reprises allé sous divers déguisements inspecter ces immeubles, et jusqu'à présent, il n'avait rien trouvé qui éveillât son attention. Cela lui parut même assez singulier, et il se disait qu'il faisait fausse route. « Si ce n'est pas par là, dit-il à ses lieutenants, que les bandits passent, c'est par les bâtiments mêmes de la banque qu'ils opèrent. » Mais cette seconde hypothèse était absolument invraisemblable. Sur le plan administratif de Paris que Paulin Broquet étudia, il ne trouva ni égout, ni conduit, ni passage souterrain qui puisse être soupçonné. Paulin Broquet commençait à trouver l'affaire très intéressante. Plusieurs jours passèrent encore dans ses études, dans ses surveillances. Plusieurs nuits s'écoulèrent sans que rien de nouveau se produisît. Or, Paulin Broquet, un soir, en venant visiter le caveau, aperçut sur le plâtre blanc qui couvrait le sol des traces du passage du rat. Ces traces partaient du mur que le détective avait à diverses reprises sondé sans obtenir ce qu'il cherchait, c'est-à-dire la révélation du vide souterrain. Mais cette fois, grâce à ces traces de pattes de rat, Paulin Broquet vit l'endroit par où le rat se faufilait. Or, le mur joignait absolument le sol, formait un angle hermétiquement clos à sa base. Une lame de couteau ne pouvait se glisser entre le sol et la paroi du mur en pierre de taille. Cependant, le rat était passé par là. « Donc, se dit Paulin Broquet, on a fait jouer une trappe. On a ouvert un pan de ce mur puisque le rat y est passé. » Et il ajouta en outre, « Mais alors, quand nous étions dans la cave, avec la commission officielle, ce mur a joué. La porte secrète que je n'arrive pas à découvrir était entrouverte, puisqu'en ce moment le rat a pu passer et se sauver. » Paulin Broquet se mit à sourire. Il serait en effet assez amusant qu'à ce moment Zigomar fût présent.